LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Quand j'étais au collège, j'étais dans le bus et donc je m'apprêtais à descendre et c'est là où j'entends derrière moi deux filles qui disaient « on va chercher des bonbons chez l'arabe ». Et j'avais pas, au début, j'avais pas compris qu'elles parlaient de moi, enfin qu'elles parlaient de mes parents. Et ça m'avait fait quand même quelque chose parce que c'est une expression voilà, qu'on utilise assez facilement, qui peut être vexante. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on nous qualifiait. Sur le coup, je me souviens encore, ça m'avait un petit peu vexée qu'on nous définisse comme ça. Et après, avec le temps, et puis après avoir grandi, c'est une expression, comme vous disiez tout à l'heure, assez populaire. Je pense que la plupart choisissent la facilité, à savoir mettre un petit peu, voilà, qu'on soit berbère, qu'on parle un autre dialecte ou qu'on vienne d'une autre région. Pour eux, c'est, on était marocain, donc on était arabe, on était les épiciers, donc c'était très facile, mais sur le fond... Mes parents et nous, on était bien plus que ça, bien plus que seulement des Arabes qui tenaient une épicerie à Champs-sur-Marne. L'épicerie de mon père était juste en dessous de notre appartement. C'était pratique parce qu'avec ma sœur, on descendait souvent jouer devant. Trottinette, roller, vélo, tout y passait. Et ça nous permettait de voir plus souvent notre père. Ma mère descendait très souvent pour l'aider. Et en grandissant, j'ai aussi mis la main à la pâte en le remplaçant quelques heures pour qu'il se repose. Il faut savoir que la famille est très présente dans le quotidien des commerçants, et elle l'a toujours été. Les générations de commerçants arrivées bien avant mon père léguaient leur épicerie à leurs enfants ou à d'autres membres de leur famille. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, parce que la survie économique de ces épiceries est menacée et que les enfants vivent pour la plupart une ascension sociale. Qui est l'arabe du coin ? Épisode 3. L'importance de la famille. Une série de Noujoud Rejbi, réalisée par Anne de Pelchin. En préparant cette série, j'ai fait appel à Twitter dans l'espoir de trouver de l'aide. Un jour, Yacine, étant lui-même fils d'épicier, m'envoie un message me félicitant pour mon sujet. Il m'explique qu'au décès de son père, c'est sa mère qui a repris la boutique familiale avec l'aide de ses frères et sœurs. Ni une ni deux, nous voilà dans l'arrière-boutique de l'épicerie familiale située à Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne. Une table à manger au centre, une petite cuisine pour les repas familiaux, un matelas pour le repos et des souvenirs plein les murs. Je fais donc la connaissance de Yacine, de Malika et de leur mère Kalthouma. Est-ce que tout le monde veut boire du sucre ? Moi oui. Très bien. Merci. J'ai jeté l'amande et maintenant, c'est le sucre. Moi, je suis Yacine, je suis le grand frère. J'habite aux États-Unis, j'étudie la littérature comparée. Et dès que j'ai un moment, dès que j'ai des vacances, je reviens aider dans le commerce familial. Oui. Et tu as quel âge, Yacine ? 31 ans. Et donc, depuis petit, tu travailles un petit peu avec tes parents ? Oui, depuis tout petit, on a tous grandi dans l'épicerie. Donc, on a tous appris sans le vouloir. Et on a grandi au milieu de la marchandise, des bouteilles d'eau et des bouteilles de coca, etc. Et c'est notre commerce, oui. Parce que du coup, vous êtes de Agadir. Où exactement ? Notre famille vient d'une campagne qui s'appelle Ait Baha, qui est à 30 minutes, 40 minutes d'Agadir. Je vais mélanger bien, comme ça, le sucre. Je m'appelle Malika, j'ai 30 ans. Je travaille dans le contrôle de gestion. J'ai créé mon entreprise qui est spécialisée dans la vente de défibrillateurs. Je suis la première fille et la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Comme a dit mon frère, on a grandi dans l'épicerie. On en garde d'excellents et de merveilleux souvenirs. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup aidé dans plusieurs aspects et même dans mes études. Et d'ailleurs, j'ai obtenu un master 2 en contrôle de gestion et mon mémoire de fin d'études a été sur l'épicerie, sur le travail de mes parents. Pourquoi tu as décidé de faire ton mémoire sur tes parents ? Pour plusieurs choses. C'était pour leur rendre un hommage, pour clôturer mes études. Il n'y avait rien de mieux que de mettre en valeur leur parcours et leur travail. Et aussi, vraiment, parce que tout cet aspect contrôleur de gestion et contrôle de gestion, ils le mettent vraiment en place dans l'épicerie, sous différentes manières. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'impression de voir tout de suite. Quand on rentre dans une épicerie, on a l'impression que la personne, elle fait que vendre, alors qu'il y a tout un travail en amont qui est fait, l'emplacement des produits, le choix des prix des produits, où est-ce qu'on va acheter les marchandises. Enfin, il y a plein de questions vraiment stratégiques. Il y a tout un travail en amont qui est souvent oublié par les personnes. Et un épicier, c'est pas juste un épicier, c'est un très bon contrôleur de gestion. Ça m'a permis de mieux comprendre le travail de mes parents et surtout de mieux comprendre le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne, les interactions avec les clients, le marketing, les promotions. Ça m'a vraiment permis d'apprendre plein de choses sur le monde de l'entreprise. Donc finalement, c'est grâce aussi au parcours de tes parents que tu es tombée un peu dans ce domaine-là ? Exactement, oui. On a toujours eu des facilités, et je ne suis pas la seule, mais mes frères et ma sœur, dans les mathématiques. Et je pense que c'est parce que très jeune, on comptait la monnaie avec nos parents, on rendait la monnaie, on jouait un petit peu au caissier à l'épicerie. Donc on a toujours eu des facilités en mathématiques et ça, ça nous a vraiment aidés dans notre parcours. Et du coup, tu as aidé tes parents au magasin comme Yacine depuis petite ? Exactement. On est nés ici, donc on a toujours vu nos parents travailler à l'épicerie. On venait faire nos devoirs ici, donc ici même où on est dans l'arrière-cour de l'épicerie. On a toujours été influencés par ce qui se passe ici. Et c'était quoi ta tâche préférée ? Ce que je préfère, c'est vraiment l'interaction avec les clients. Ils ont tous une histoire. Et puis aussi, l'épicerie, c'est pas juste un lieu où on achète ou on vend. C'est aussi un lieu où on se confie, où on parle, où on demande de l'aide. Par exemple, est-ce qu'on connaît une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est jardin, jardinerie, etc. Est-ce qu'on connaît une femme de ménage ? C'est un peu comme une conciergerie, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Moi, c'est vraiment les histoires des uns et des autres. À l'époque aussi où je cherchais un stage, je savais que tel client travaillait dans ce domaine-là. Je pouvais lui demander des conseils par rapport à sa profession ou lui donner mon CV et pour qu'il puisse m'aider dessus. C'est les interactions clients, ma partie préférée. Et la dernière fois, je suis partie faire mes courses à la grande distribution et j'ai vu qu'il y avait une caisse et il y avait un panneau au-dessus de cette caisse où il y avait écrit blabla, comme quoi à cette caisse-là, on pouvait parler. Et j'étais surprise et en fait, je me suis dit mais aujourd'hui, la grande distribution, voilà, il y a ce lien qui se perd et on est obligé de mettre des panneaux avec écrit blabla pour dire aux gens passez à cette caisse-là si vous voulez parler à quelqu'un, en fait. Et voilà, maintenant, à table. J'avais une chose que je voulais rajouter parce que sur Champs-sur-Marne, on a parlé tout à l'heure, c'est que quand mon père est arrivé, les personnes qui vendaient parce qu'il y avait une installation de supermarché à côté. Donc l'endroit où on vit, historiquement, c'était un endroit où il y avait le marché. D'ailleurs, la place s'appelle la place de l'ancien marché. Et donc les propriétaires qui étaient des Français ont vendu parce qu'ils avaient peur justement du supermarché qui s'est installé à quelques centaines de mètres. Et donc mon père a acheté à ce moment-là en fait. Au moment où il y avait une inquiétude de la part des anciens propriétaires, il a acheté. Il était en concurrence avec le supermarché et il a réussi toute sa vie à tenir le coup et à ne pas flancher justement à cause de ça, et ça a marché toute sa vie finalement, ça c'était aussi important. Alors que sur la place de l'ancien marché, il y avait justement plusieurs commerçants qui venaient, et petit à petit sont tous partis. Moi je m'en souviens de quelques-uns, comme le fleuriste qui venait, ou comme d'autres qui venaient s'installer, qui sont partis année après année, et l'épicerie est restée, la boulangerie est restée, quand il arrivait à la retraite... Il a voulu donc garder l'épicerie dans la famille et il a donc transmis à ma mère. Donc ils ont fait tous les papiers pour que l'épicerie soit au nom de ma mère. Donc elle est devenue propriétaire à ce moment-là, oui. Et vous aimez bien du coup être commerçante ? Et ouais, si ça vous plaît. J'aime bien, oui. Je compte pas les horaires. J'ai 57 ans. J'ai bien en France depuis les années 90. Et j'ai commencé à travailler à l'épicerie, 1994. Vous avez quel âge quand vous arrivez en France? J'ai 22 ans. Et vous avez rejoint votre mari qui était déjà là? Il est là déjà, oui. C'est ça? Oui, depuis les années 84. Donc ça faisait 10 ans qu'il travaillait déjà dans le commerce ici? Tout à fait, oui. Et mon mari rentre dans la France, 76. Vous étiez contente de partir du Maroc ou pas? Un petit peu. C'est très sympa, oui. Quand tu rentres dans la France, c'est un peu bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Tu laisses toute la famille là-bas. Moi, j'ai l'aîné au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai marié au Maroc, j'ai fait toutes les souvenirs au Maroc. Et est-ce que vous aviez fait des études avant de partir du Maroc? Moi, j'ai grandi dans la campagne. Il n'y a pas l'école du tout. Il y a quoi, comme il le dire, les petits mosquées. Donc, en arrivant en France, vous avez dû apprendre du coup à compter, enfin, à lire, à écrire, à tout. Par exemple, pour raconter, j'ai compté bien. Mon père, c'est un commerçant. Et je comptais toujours avec l'argent, avec lui, comme il compte le soir, que la recette, c'était bien, ou c'est quoi. Et ça, je connais par cœur. Ça, je n'ai pas eu de problème. Il était commerçant dans le village? Et oui. Ouais. Il vendait des blés. Des blés, du maïs, des lentilles, des choses comme ça. Le souk, comme il le dit. Il vendait dans le souk? Oui. Mmh. À cette époque-là, les femmes ne partent pas au souk. Il n'y a que les hommes dans le souk. Donc vous n'avez pas pu vendre un petit peu avant de partir? Je ne trouve pas aucune seule femme dans le souk. Et donc vous avez commencé en 1994 à travailler. Comment c'était au début de travailler dans le commerce? Je ne connais pas déjà la caisse. Et c'est Yacine, et comment c'est le dire, maman, fais ça. Et après, il y a petit à petit, voilà, je n'ai pas parlé encore français comme il faut. Des fois, les personnes demandaient quelque chose. Il est là, je vais le dire, nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Vous avez appris sur le tas, le français. Vous avez appris avec les clients, avec... Oui, j'ai appris avec les clients et j'ai fait même quelques heures de français. Où ça? 5 saisons. Okay. J'ai fait ici, à Champs-sur-Marne, un centre social. Donc, vous avez vos 3 enfants? 4 même à l'époque, ça. Ouais. Parce que le 4e est arrivé en quelle année? 2001. Et donc, vous travaillez au commerce et vous vous occupez des enfants et vous faisiez le cours de français en plus? Tout à fait. 6 heures par semaine. 6 heures par semaine. Et l'après-midi, vous veniez au commerce pour travailler? Oui, pour travailler, oui. Est-ce que vous alliez chercher vos enfants à l'école ou... Tout à fait, oui, je cherchais les enfants, j'ai fait le taxi. Il n'y a que moi, il roule dans le champ sur Marne. C'est vraiment... Il n'y a que moi, il est... Et les ouvriers de la mairie. Il n'y a que ça qui tourne dans le champ sur Marne. Il y en a, j'ai posé à la gare, il y en a, j'ai posé à Noisiel, il y en a, j'ai posé à Lagny-sur-Marne, au lycée. Bah, vraiment, j'ai fait le taxi. Elle a passé son permis aussi en même temps qu'elle travaillait. Ah, c'est intéressant ça. J'ai passé le permis, j'ai travaillé. Toutes les 3 choses dans les mains. Et c'était quoi vos horaires d'ouverture et de fermeture? Les horaires, 8h30 à 21h30 le soir. Ça, c'est les horaires des verres. Et l'été, jusqu'à 22h le soir. Et vous travaillez donc les week-ends? Oui. Est-ce que vous avez un jour de repos dans la semaine? Alors, un jour de repos dans la semaine, comme les enfants et les petits, c'est un mercredi. Et votre mari aussi? Ou il n'y a que vous qui ne travaillez pas et lui travaillait toute la semaine? Non, toutes les deux. Tous les deux. C'est ferme, c'est le jour de fermeture. D'accord. Et après, tu pars à métro. C'est comme ça, je connais la métro, je connais le chemin par cœur, voilà. Vous partiez ensemble avec votre mari à métro, le matin? Le matin, des fois, tu pars à Rungis, et après-midi, tu pars à métro. Maintenant, j'ai fermé jeudi. Le jour de fermeture, c'est jeudi. Pourquoi vous l'avez changé? Parce qu'ils ont grandi? Non, c'est pas à cause de ça. Et comme la boulangerie à côté, elle ferme mardi, mercredi, et c'est moi qui occupe de le pain. J'ai fait le pain mardi, mercredi, pour dépanner. Est-ce que vous aviez d'autres personnes de la famille qui étaient commerçantes, à part votre père? Mes frères. Mes frères, il est là au commerce aussi. Des beaux frères aussi, à côté de mon mari. Il n'y a pas de femme dedans. Il n'y a que moi qui prends les commerces. Il n'y a que moi qui conduis. L'épicerie est dans la plupart des cas le gagne-pain de toute la famille. L'épouse de l'épicier est donc forcément mêlée, que ce soit par volonté ou bien par défaut. C'était le cas de ma mère, qui tenait la boutique quand mon père se reposait ou qu'il allait s'approvisionner. Son implication, qui est pourtant nécessaire, voire parfois vitale à la survie du commerce, est souvent invisibilisée. Dalila Berbaghi, auteure de la thèse « Les commerçants nord-africains, un groupe spécifique, trajectoire de commerçants dans le département du Rhône, 1945-1985 », revient sur ce rôle. Les femmes, en termes de proportion, sont moins importantes que les hommes dans le commerce nord-africain. Elles sont sous-évaluées pour différentes raisons. C'est d'un point de vue, en fait, des archives. Donc, il y a souvent des difficultés, en fait, à les retrouver. Parce que soit, en fait, le commerce est déclaré au nom de leur époux, parce que c'est plus facile d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique. Et de fait, elles ne sont pas forcément visibles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une historienne qui parlait de les femmes ou les silences de l'histoire. Parce que ça, c'est vraiment souvent, en fait, d'ailleurs, le cas pour les femmes, particulièrement dans deux secteurs, le secteur agricole, où elles sont sous-évaluées, et le secteur commercial et artisanal. Donc voilà, il faut faire attention, effectivement, avec l'effet d'optique que peuvent produire, en fait, les archives. Et donc elles sont quand même effectivement donc moins importantes de 1945 à 1965 parce que c'est surtout en fait un commerce de café, de garni et de restauration. Et c'est vraiment des domaines qui sont quand même plus fermés et moins accessibles en fait pour les femmes nord-africaines. Donc dans la première période chronologique, j'en compte à peine une petite dizaine. Commerçantes nord-africaines, majoritairement originaires d'Algérie, ce qui est finalement correspond bien à l'ensemble du corpus hein, qui est majoritairement originaire d'Algérie. Et ensuite, dans la deuxième phase chronologique 1965-1985, les femmes sont beaucoup plus importantes. Et là, j'ai un corpus moins d'une 90 femmes. Et là, elles sont beaucoup plus importantes pour différentes raisons. C'est d'abord parce qu'il y a des secteurs commerciaux qui sont plus diversifiés et plus accessibles aux femmes. Notamment l'alimentation générale. Le fait que l'alimentation générale augmente de manière importante dans cette période chronologique et qui est davantage pratiquée par des commerçants originaires de Tunisie, les femmes sont plus importantes dans ce secteur-là et ça correspond aussi de manière globale à l'évolution en fait, du monde du travail où la féminisation de l'accès au monde du travail est beaucoup plus importante dans la deuxième phase chronologique qui correspond aux années 1960, 1970, 1980. Donc finalement, c'est un reflet de l'évolution de l'accès aux femmes au monde du travail et ensuite des secteurs commerciaux qui sont plus ouverts et plus faciles d'accès pour les femmes. Je pense à l'alimentation, surtout l'alimentation, parce que la restauration, ça reste quand même un milieu plus fermé, la restauration pratiquée par les Nord-Africains. Et puis la boucherie halal, pareil, la boucherie est davantage pratiquée en fait par des commerçants masculins que par des femmes. Alors après, par contre, là où on peut effectivement, je disais, il y a un effet d'optique par rapport aux archives, c'est qu'il y a aussi des femmes qu'on arrive à trouver par d'autres biais. Elles sont pas forcément référencées comme étant tenancières du commerce, mais par contre, elles aident leur mari, leur conjoint, soit dans des épiceries, dans la restauration aussi, parfois ça peut être le cas. En arrière-boutique, elles peuvent aider à la cuisine, elles peuvent aider à différentes activités. Dans les épiceries, elles peuvent tenir en fait l'épicerie à tour de rôle. Donc parfois c'est le conjoint, parfois ça va être elles qui vont tenir l'épicerie. Donc ça vraiment, c'est effectivement, elles sont présentes. Et l'aide au mari, c'est un statut vraiment qui a été créé, le conjoint collaborateur en 1982, parce que ça a été longtemps revendiqué par effectivement les conjoints de commerçants, qui peuvent être d'ailleurs femmes ou hommes, mais qui n'a jamais été octroyé d'un point de vue administratif et surtout financier, puisque ça a des conséquences financières sur l'accès ensuite aux droits sociaux et à la retraite. Et le fait d'avoir ce statut qui est créé de conjoint collaborateur en 1982, ça leur permet justement d'ouvrir des droits sociaux qu'elles n'avaient pas auparavant. Madame, vous êtes de quelle nationalité ? Je suis de nationalité tunisienne. Ça fait combien de temps que vous êtes en France et que vous tenez ce commerce ? Je tiens ce commerce 7 ans et je suis à Paris 10 ans. Qui est le patron ici ? C'est mon mari. Il est inscrit au registre du commerce ? Si. Vous y êtes inscrite aussi ? Je suis inscrite comme ouvrière. Les conséquences pratiques de cette réforme consistent essentiellement à donner aux conjoints collaborateurs de non-salariés des droits directement pour elles et des droits propres. La cotisation sera identique à celle de leur mari ou de leur conjoint et elles pourront acquérir surtout une prestation, une pension vieillesse au même taux que celui du titulaire du registre du commerce, de celui qui apparaît en principal au registre du commerce. Pour inciter à rentrer dans ce système de l'assurance volontaire. Le gouvernement a même prévu la possibilité de rachat de 2 ans en arrière de cotisation, ce qui est une incitation assez intéressante, surtout pour des personnes relativement âgées. Et d'autre part, ce qu'on doit remarquer, c'est que, comme d'ailleurs pour toutes les pensions de vieillesse, la pension peut être perçue aussi bien en France qu'à l'étranger, et le gouvernement a manifesté l'intention de déposer un projet de loi pour que ce texte soit applicable dès 1981. Bah, je connais le travail par cœur. Je connais qu'est-ce que ça marche dans l'épicerie, qu'est-ce qu'il faut, que les fournisseurs, toutes les fournisseurs, je connais. Je connais toutes les choses, vraiment, je connais par cœur. J'ai fait même des choses nouveaux à côté de, comme il est là, mon mari. Qu'est-ce que vous avez mis en place de nouveau par rapport à votre mari? Des produits, beaucoup de produits. Brutto, j'ai des produits comme ils demandaient tout le temps, les personnes âgées, des boissons, beaucoup de produits. Beaucoup de vin, par exemple. Le vin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, il n'en mettait pas beaucoup? Et un petit peu, moi j'ai fait plus même, oui. plus. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans le coin ou pas du tout? À côté, non, il y a les autres, l'épicerie. À côté de la mairie de Champs-sur-Marne, il y a notre petite épicerie, il y a un petit magasin aussi. À côté de moi, nous, il n'y a personne. Vous êtes la reine du quartier? Voilà, la reine de Champs-sur-Marne. Et vous aviez dit que parfois, il y avait des gens qui voulaient venir acheter le commerce, qui sont venus vous voir. Oui. C'est ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont présenté plusieurs fois. Un jour, si c'était bondé le commerce, il faut le dire à nous, il faut quoi. Et pourquoi vous avez refusé? Comme ça, t'es libre. Est-ce que vous vous voyez reprendre le commerce un jour? C'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision. Je vais continuer à aider ma mère le plus longtemps possible. Mais en tout cas, c'est vrai que ce serait dommage que cet héritage familial soit revendu ne soit plus dans notre famille. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision sur le sujet. Donc toi, tu serais potentiellement pressentie si tu veux continuer, en gros. Oui, c'est ouais. En tout cas, mes frères et moi, on a vraiment pas mal d'outils. Mes frères, ma sœur et moi, pardon, on a vraiment pas mal d'outils pour voilà, reprendre le commerce familial. On sait comment ça fonctionne. On a la liste des fournisseurs. On a une bonne clientèle. Ça serait la fierté de ma mère. mais après, on a aussi, en tout cas pour moi, d'autres projets à côté. Donc... c'est sûr que si on n'habite pas à côté, si on a une vie de famille et si notre conjoint, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents travaillaient, c'était pas juste mon père ou juste ma mère, c'est que les deux travaillaient ici. Mais voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué. Faut trouver le conjoint ou la conjointe qui veut faire partie de cette aventure. Faut trouver le logement aussi qui est pas très loin de l'épicerie parce qu'on a des horaires très tard et ça peut pénaliser la vie de famille, mais... c'est des éléments à prendre en compte, bien sûr. Mmh. Si on veut reprendre une épicerie, c'est des éléments sur lesquels il faut sérieusement se poser. Après, il faut aussi voir, il y a quand même des bons côtés. C'est un héritage qui nous a été transmis par nos parents. C'est une boutique qui rend service à énormément de personnes. Et pour la transmission, pour les enfants, c'est pas encore à l'heure du jour parce que ma mère est encore loin de la retraite. Elle a au moins encore 7 ou 8 ans. Donc on ne se pose pas la question, ce n'est pas une question urgente, je dirais, mais je crois que ce qui est dominant, la pensée dominante, c'est de le garder et d'en faire quelque chose, peut-être de quelque chose de plus grand, l'agrandir et l'adapter, faire quelque chose de plus moderne, que ce soit pour les commandes, les fournisseurs, les livraisons, mais également peut-être profiter de toute la technologie qu'on a aujourd'hui et la mettre à profit pour l'épicerie, donc comme les livraisons, être peut-être un point relais également et s'adapter aux demandes des clients et des nouveaux clients. Tout en gardant le commerce voilà. Dans la famille. Tout à fait. Ce serait le but, vraiment. Ici, c'était comme si le temps s'était arrêté. Du camail de ses habits jusqu'au grilloir à café. Ici, c'était le QG des mômes du quartier. On entrait dans l'épicerie, le boudoir du paradis. Que reste-t-il? De boîtes de chocolat, de la poudre de réglisse, des bonbons de ci, de là, du fromage sur éclisse, de la cassonade qui fondait sous le palais, et d'autres épices en pagaille dans la marmite à trois pieds. Que reste Est-ce que toi, tu t'es dit que possiblement un de tes enfants pouvait faire ça après? Bon, je sais que la réponse est non, mais... Non, de toute façon, moi, dès le début, non, parce que tel que je vous connais, non. Jamel Rejbi, mon père. Après, maintenant, ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins. Parce que déjà, pour trouver quelqu'un qui accepte de travailler 10 heures par jour, 11 heures par jour dans, au même endroit, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Il voudra pas. Donc c'était pas, ça n'a jamais été un projet, quoi. Non, non, non. C'est pas un projet d'actualité, non. Ça m'a jamais tenté de vous laisser dans le magasin. De toute façon, moi-même, je te dis, vers la fin, j'ai trouvé des complications. C'était plus dur à continuer, donc je me suis dit, il faut arrêter. Toi-même, des fois, à un moment donné, je te laissais dans le magasin pour faire de la vente. Et t'aimais pas ça, mais c'est dit, vas-y, ne joue, t'es descend parce qu'il y a urgence, il faut que tu viennes, tu me remplaces. Ah, j'ai détesté ça. Et toi, t'aimais pas ça, mais t'es descend parce que c'était pour moi un service, quoi. T'es dit, allez, je vais pas laisser mon père comme ça, je vais pas l'abandonner. Je dis, descend parce qu'il faut que je me repose. Alors, du coup, tu descends pour faire de la vente. T'aimais pas ça. Les gens, les clients, quand ils viennent, ils te disent, oh, la relève, elle est assurée. Je leur dis, non, elle ne veut pas faire ça. Elle va pas faire commerce parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle veut pas faire ça, déjà. Non, mais j'ai pas un milligramme de la patience que tu as, papa. Je sais pas si tu te rends compte. Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est une chose imaginable? Un individu qui ne va pas travailler? Ah, pardon, je ne veux pas travailler dans l'épicerie. Quand je me vois dans cette boutique... Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois. Et si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur de discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer un sou de moins. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don. Je m'appelle Nader, je travaille en gestion de portefeuille dans la finance. Nader, mon cousin. J'ai fait mes études en banlieue, en région parisienne. Scolarité, j'étais plutôt un bon élève et j'étais vraiment passionné par ce que je voulais faire. Suivre l'économie, bosser dans la finance. Alors, mon père est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Son père était déjà en France, donc il n'arrivait pas dans un terrain complètement inconnu. Il a commencé à travailler des petits boulots dans la restauration, dans des boulangeries. Et très vite, comme son père avait un commerce avec certains de sa famille, il a rejoint son père. Et il a travaillé dans le commerce depuis l'âge de 17 ans et à son propre compte plus de 35 ans, je crois. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai très vite eu à l'aider parce que il n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Il y avait ma mère qui travaillait pour lui. Il l'a embauché en tant que salarié, donc c'était son seul salarié. Et comme la vie de famille tournait autour du commerce, bah forcément, ma sœur et moi, on était amenés à les aider. Plus moi que ma sœur, puisque ma sœur était plutôt timide, réservée. Donc c'est un métier vraiment où il y a besoin d'être assez extraverti, d'aimer parler aux gens, etc. Et j'avais plutôt cette fibre-là commerciale. Et donc, dès l'âge de 9 ans, en fait, j'ai commencé à travailler avec mon père, même à 8 ans, faire des petites choses, l'aider à porter, à ranger les fruits et les légumes, l'aider à ranger aussi les produits laitiers, parce qu'il vendait aussi des produits laitiers. Et à partir de 9 ans, j'ai commencé à la caisse, j'aimais beaucoup les maths. Et donc, pour moi, c'était un jeu, en fait, de tenir la caisse. C'était un jeu parce que ça me faisait faire des calculs, etc. Je discutais avec les gens de tout et de rien. Et en fait, les gens, dès qu'ils voient un petit enfant qui tient la caisse, ça fait marrer. Je ne l'ai pas senti comme un travail étant jeune, même si c'était quand même très exigeant. Et je pense que mon père, ce qu'il a voulu faire, peut-être ça peut être perçu par certaines personnes un peu choquant de faire travailler un enfant de 9 ans dans son magasin. Mais moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et je pense que mes parents aussi, pour eux, c'était mieux que me laisser seul devant la télé à la maison, quoi. Et ma sœur était avec nous. Elle était plutôt dans l'arrière-boutique à préparer les commandes, etc. Je me rappelle très bien de la période des fêtes. Parce que la période des fêtes, c'est une période très importante pour les commerçants. C'est une grosse partie du chiffre d'affaires. Et en fait, tout le monde était en vacances. Tout le monde s'amusait, jouait à la PlayStation ou à la Super Nintendo. Et moi, j'étais en train de servir les clients, de préparer les corbeilles de fruits et légumes. Voilà, donc il y a aussi une partie de ma jeunesse où j'ai pas pu profiter de ce fait-là. Mais je regrette pas parce que ça m'a appris la valeur travail et ça m'a forgé et permis d'être qui je suis aujourd'hui aussi. Sa clientèle, c'est ça aussi qui m'a permis et a permis à ma sœur aussi de commencer à développer notre réseau professionnel en fait, parce que mon père avait des clients plutôt classe moyenne haute et plutôt cadre, parce qu'il vendait des produits de bonne qualité, c'était des fruits et légumes catégorie extra, c'était pour des personnes qui avaient quand même un niveau de vie important. Ça aussi, ça m'a aidé pour développer mon réseau professionnel, mais aussi pour apprendre de nouvelles choses. Parce que en discutant avec des clients, comme je disais, de tout et de rien, du coup, ça pousse encore plus à l'ouverture d'esprit. Et je sais qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont permis d'ouvrir mon esprit critique. Parce qu'à force de débattre avec eux, bah, en fait, le débat pousse à se mettre en question toutes nos idées préconçues. Ma mère, en fait, travaillait beaucoup avec mon père. Mon père lui accordait beaucoup de pauses parce qu'elle devait nous préparer à manger, s'occuper de nous, etc. Donc c'était plutôt ma mère, vraiment, respect immense parce que elle avait la charge mentale des enfants et en plus la charge mentale du commerce parce que mon père, comme elle travaillait avec lui, forcément tu prends la charge mentale du commerce, c'est obligatoire. Tu peux pas dire ah ben non, je suis juste employé, c'est ton mari qui est responsable, donc forcément tu as double charge mentale. Et donc je pense que pour ma mère c'était vraiment difficile, surtout pour gérer en fait les enfants, parce que gérer le magasin et gérer les enfants en même temps. Moi, maintenant qu'il y a une petite fille, je dis respect, chapeau, je sais pas comment ils ont fait, vraiment. Parce que je vois déjà, en ayant mes week-ends de libre, à quel point je suis, entre guillemets, frustré. J'ai l'impression de pas assez m'occuper de ma fille, assez de pouvoir passer du temps avec elle. Pourtant, je passe mes samedis et dimanches avec elle. Et c'est vrai que se dire, bah, le soir, quand je rentre chez moi, quand je suis pas en télétravail et que ma fille dort déjà, bah, c'est frustrant, quoi. Et c'était ça pour mon père, en fait, avant. Sauf que mon père, c'était ça tous les jours. Après, il a eu la chance aussi de travailler en famille, travailler avec sa femme. Ça peut avoir des avantages, des inconvénients aussi, parce que quand ça se passait mal dans le commerce, c'était difficile à la maison parce que quand il n'y avait pas de clients, bah forcément, il y avait tout de suite plus de tension dans la famille, etc. parce que on faisait tout en famille, quoi. Anne-Sophie Bruno, historienne et auteure de Les chemins de la mobilité, migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956. Un travail indépendant, que ça soit les ateliers de tissage de la soie dans les années 1830 ou le petit commerce des années 1980, c'est souvent une entreprise familiale, une économie domestique qui est en jeu, qui embarque toute la famille, et dans la famille, il y a les conjoints et les enfants. Et donc les femmes sont partie prenante de l'activité, mais ne sont pas forcément celles qui, sauf si elles sont dans des situations de veuvage, ne sont pas celles forcément qui sont titulaires du fonds de commerce ou qui sont enregistrées au registre du commerce. Et dans l'alimentation générale, vu l'importance des réseaux communautaires, on a, même en cas de veuvage, pas forcément besoin de mettre le nom de l'épouse. Mais il n'en demeure pas moins que les femmes dans les petites entreprises ont toujours joué un rôle qui est pas simplement d'aide familiale, parce qu'on les cantonne souvent à ce rôle d'aide familiale. Souvent, quand on fait des analyses un peu plus poussées sur le fonctionnement des entreprises, on se rend compte que elles interviennent aussi dans les choix de stratégie, dans la gestion des entreprises, la gestion de la comptabilité. C'est très connu pour l'artisanat, mais c'est aussi vrai pour le commerce. C'est souvent les femmes qui tiennent la caisse, pas simplement les femmes, mais aussi les femmes qui tiennent la caisse. Donc on a vraiment une participation à part totalement égale, y compris sur des fonctions qu'on juge plus masculines, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de tenir la boutique, elles participent encore une fois au choix des stratégies commerciales, à la gestion et à toute l'activité. À la fois, j'admirais mon père parce qu'il se sacrifiait pour nous. Son but, c'était qu'on puisse faire de belles études, qu'on ait un super avenir, et il a voulu nous apprendre la valeur travail. Lui, il travaillait énormément, mais clairement, on en a souffert parce que, entre guillemets, on a manqué de sa présence et de son amour au quotidien. Parce que quand t'as un père qui est absent, et ma mère aussi travaille avec lui. Donc ma mère avait pas autant d'horaires que lui, mais ma mère aussi était très peu présente. Donc très vite, on a appris à être autonome, et nos parents nous ont dit que le plus important pour eux, c'était qu'on réussisse à l'école. Donc aussi pour les rendre fiers, entre guillemets, notre but, c'était de réussir à l'école, quoi. Est-ce que tu penses pas qu'ils vous ont du coup poussé à faire de longues études ? Alors je sais qu'il y avait une volonté, mais justement se dire j'aimerais que vous réussissiez dans ce que moi j'ai pas pu faire tout simplement en fait. Oui c'est ça, parce que mon père quand il m'a emmené à 4h30 ou 4h du matin à Rungis, c'était pour me dire mon coco fais des études parce que si tu fais pas d'études tu risques de te retrouver comme moi à faire des horaires énormes et à pas être sûr que financièrement... ça aille, parce qu'il y a des moments où ça va très bien, où le commerce il marche bien, mais il y a des moments où le commerce c'est très compliqué. Et comme tu es à ton propre compte, très vite tout est à ta charge et c'est difficile de trouver des solutions, etc. Donc c'est sûr que c'est. Je vais pas dire que j'ai eu une enfance difficile, parce qu'honnêtement, on a manqué de rien, mais il y a eu des périodes où. C'était compliqué, quoi. Est-ce que tu penses que ton père, il a choisi d'être commerçant ? Moi, je sais pas, il faudrait que je pose la question directement, mais tu me dis qu'il a eu plusieurs métiers avant. Est-ce qu'il est parti dans le commerce par dépit ? Ou est-ce que, quand tu lui demandes, il est quand même content d'avoir eu cette carrière-là ? Connaissant mon père, je pense qu'il n'aurait pas pu rester salarié trop longtemps. C'est quelqu'un vraiment d'indépendant. Et quand il a quelque chose en tête, il veut absolument le faire à sa manière. Je pense qu'il aurait eu du mal à accepter de... suivre les ordres, même si ça lui convenait pas, etc. Je pense que globalement, il était très content d'être à son propre compte, même si il y avait beaucoup de contraintes administratives et des contraintes en termes d'horaire. Je pense qu'il aurait préféré avoir plus de temps avec ses enfants, clairement, mais qu'au final, son métier, il s'épanouissait vraiment dans son métier parce qu'il est passionné par les fruits et légumes. C'est un puits de science sur les fruits et légumes. Mon père, c'est vraiment son expertise. Et du coup, je pense qu'il était passionné. Et ça aussi, ça m'a poussé à aller vers ma passion, parce que mes parents voulaient vraiment que je fasse médecine. Mon père ne voulait pas du tout que je reprenne le commerce. Son objectif, c'était que je sois médecin, comme je disais tout à l'heure, ou que je fasse complètement autre chose que le commerce. Mais ça restait une porte de sortie, entre guillemets, parce qu'il savait que c'était difficile, surtout une fois que j'ai choisi la voie économie-finance. Il savait que sans réseau, ça allait être difficile de trouver du travail, de percer, etc. Et il me disait toujours, t'en fais pas, au pire des cas, tu récupéreras le commerce et t'auras quelque chose. C'était une sorte de bouée de secours. Mais moi, j'en voulais absolument pas. Moi, je travaillais le plus possible pour éviter ça, en fait. Mon but, c'était ne pas avoir ça, parce que je me voyais pas, je me projetais pas sur une vie sans week-end, sans vacances, pas profiter de ma famille et travailler 100 heures par semaine. Même si aujourd'hui, je travaille entre 60 et 70 heures par semaine, ça n'a rien à voir avec travailler 100 heures. J'ai quand même mes week-ends quasiment tout le temps de libre. J'ai des vacances. Je peux en profiter, quoi. Et j'ai vu mon père à quel point il a... Bah, en fait, ils n'avaient pas fait d'études. Et quand même, ils ont globalement réussi leur vie, même si je ne sais pas si eux, dans leur tête, ils considèrent qu'ils ont réussi leur vie. Parce que maintenant qu'il est à la retraite et qu'il touche 700 euros par mois, je pense qu'il se dit bah, « j'ai pas réussi ma vie ». Mais moi, je pense qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont réussi à former leurs enfants pour que leurs enfants montent en termes de classe sociale. Et aussi, ils ont fait en sorte de faire un métier qui les passionne. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui peuvent dire bah, « tous les jours, je vais au travail ». Certes, c'est dur, mais ça me plaît et je suis épanoui. Bonjour. Alors, toi, tu aimes bien être ici ? Non. Non, pourquoi ? Parce que j'ai regarde la télé. Et vous aidez quelquefois votre papa ? Oui. Puis la marchandise, on leur met à la place. Ah oui. Selon Kamel Tmarzizeh, écrivain, journaliste et auteur du livre « Les gerbiens des commerçants séculaires », la mise en place d'un système coopératif, supprimant ainsi le principe de relève dans les années 60 en Tunisie, a été la cause de l'abandon de l'activité commerciale pour les gerbiens. De ces perspectives économiques, ainsi compromises et nées pour la nouvelle génération gerbienne, la nécessité de chercher un meilleur avenir, qui ne pouvait passer que par une éducation sûre. Et cette éducation, c'est-à-dire, c'est l'enseignement. Persuadés déjà de l'utilité de l'instruction, les parents épiciers ont engagé leurs enfants dans des longues études et l'obtention des diplômes universitaires ou des grandes écoles permettait alors au fils de Gerber Hamsid d'acquérir un emploi stable et une position sociale honorable. La nouvelle génération gerbienne a réussi, grâce à l'instruction reçue dans les universités et dans les grandes écoles, à se détourner pour une grande part de l'activité traditionnelle des aïeux pour accéder à des domaines de transactions financières et commerciales. Il y a quand même quelques djerbiens qui sont restés fidèles aux usages ancestraux, tels que ton père par exemple. Ils ont par goût des affaires émigré à l'étranger. Ces épiciers fils de l'île ont organisé leur nouvelle vie sur le modèle de leur père. مسافر تروح تعيا وتقول ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتقول ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي Bonjour. Tiens, comment allez-vous? Madame, ça demoiselle, va, vous madame, allez bien? Bah, oui, c'est le les trois vous scooters. D'accord, vous êtes toujours trois ensemble? Ça voilà. Va, toujours, toujours. Je crois que le muchacho il vous attend là-bas. Ah, il est là déjà, bah, oui, le muchacho. Le vide est à 3h30, donc il est bientôt 3h30, voilà. Donc, bah c'est parfait, il est pile à l'heure. Voilà, voilà, comme ça vous allez... Ça va? Oui, vous allez bien? Tu vas bien? Nassim Ben Mamar, 18 ans, fils de Abderrazak Ben Mamar, dit Ben, épicier à Paris. Là, je suis étudiant et là, je suis. Et ça fait quelques années que j'aide mon père à travailler dans son épicerie. La première fois que je suis venu travailler, c'est pour mon stage de 3e. J'avais fait une semaine. Et après, c'est en seconde, avec le Covid, je l'ai un peu aidé. C'est cette année où j'ai le plus travaillé, vu que j'avais moins de cours. Mais il y avait aussi mon grand frère avec moi. Et après, bah, depuis la seconde, c'est à peu près une ou deux fois par semaine, quand mon emploi du temps me le permet. Le premier jour où j'ai travaillé à la boutique, j'avais peur de faire des erreurs. Et je stressais un peu parce que le contact humain, j'avais pas l'habitude, surtout avec des étrangers. Mais il y avait pour la première journée, il y avait mon père à côté de moi au cas où. Et petit à petit, il m'a laissé tout seul, il restait ici, il faisait ses affaires, il me regardait à la caméra. Et ça, c'est une habitude qui se prend facilement, je trouve. Mais ouais, c'était juste du stress. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères dans la vente? Est-ce que c'est la relation avec le client? Est-ce que c'est les gérer les stocks? Quelque chose que tu aimes bien faire? Au début, c'était gérer les stocks parce que j'aimais pas la relation avec le client. J'étais timide, j'avais pas l'habitude. Mais au fil du temps, bah, je commençais à m'ennuyer. C'était quand il y avait des clients que le temps il passe plus vite, t'échanges, t'apprends des gens. Est-ce que ça t'a permis de dépasser ta timidité, en fait, d'être dans le commerce finalement? Oui, je pense que... Oui, bien sûr. Je suis un peu encore timide, je trouve, mais ça m'a aidé. J'ai moins du mal à commencer une conversation avec des inconnus. J'hésite moins, à intervenir quand j'ai besoin. Mais ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu te vois, toi aussi, être dans le commerce? Donc, je ne sais pas si tu te vois reprendre le commerce de ton père ou pas, ou alors rester dans le domaine commercial. Pour l'instant, je ne pense pas. Parce que j'ai encore pas tous les aperçus. Contrairement à mon grand frère, par exemple, lui qui a déjà commencé un peu à voir les dessous du métier, gérer tous les stocks, aller à Rungis, aller à Métro. Moi, j'ai pas encore vu cet aspect-là. Donc, je pourrais pas dire si c'est ce qui m'intéresse. Mais après, pourquoi pas si un jour il le faut. Mais pour l'instant, je pense pas. Parce que déjà, mon père, je trouve qu'il me pousse à faire mieux. Donc, il m'a toujours poussé à faire des sciences. Il me disait toujours, je veux que tu fasses un métier qui ne soit pas dur pour toi. Parce que là, je le vois, pareil. Même prendre une semaine de vacances, c'est très dur pour lui. Donc, je me dis que peut-être finir ma vie à toujours travailler, devoir toujours, tous les jours, être là de 8h à 22, minuit carrément presque, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, dans la vie, du coup? Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais j'ai peut-être me lancer vers l'aviation. Ingénieur en aéronautique, peut-être. Ce serait ma voie numéro 1, mon plan A. Et après, on verra si les notes vont avec, si mon niveau va avec. On est toujours fiers de ses enfants, vous savez, peu importe, qu'ils sont pharmaciens ou éboueurs, je crois qu'il faut toujours être fier de ses enfants. Moi, personnellement, c'est mon avis. Après, on est content, bien sûr, quand on voit ses enfants, on réussit. Donc, bon, la petite, elle va devenir pharmacienne. Donc, j'ai mon fils, donc il a fait 5 ans après son bac, donc maintenant, son master. Donc, il est dans le management et bon, il travaille avec une autre société. Bon, le fiston qui veut faire de l'ingénierie, donc ce qu'on cherche, c'est de bien élever ses enfants, de leur donner des études, pour qu'eux, plus tard, ils aient cette chance de pouvoir passer plus de temps peut-être avec leur famille que nous, donc c'est comme ça. Donc, moi, personnellement, j'essaye, c'est-à-dire de leur donner un peu de temps, mais comme on dit, on fait ce qu'on peut, donc par exemple, tous les samedis matins, j'essaye de rester avec eux, de manger avec eux, donc au moins... À midi, parce que des fois, le soir, c'est impossible. Le soir, le temps de fermer à 22h, d'arriver à la maison, il est 23h. Ils dorment parce que le lendemain, ils vont à l'école. Donc, les dîners, c'est rare. Donc. Mais c'est plutôt le samedi. J'ai toujours essayé de manger avec eux à midi. il fallait jongler comme ça. Donc des fois je ne pouvais pas prendre une journée complète, mais des demi-journées comme ça. Donc après, bon, maintenant les enfants ils grandissent, non, ils ont grandi, il y en a même, donc il reste encore un qui est encore en première, donc mais bon, faut encore 5 ans et après on prendra la retraite comme ça. Voilà. Quand je suis venue, vous étiez tout seul avec votre fils ici, maintenant, avec mon là. Fils, ouais, oui. Mais ces dernières années, vous êtes tout seul. Bon, il y a ma femme qui vient quand j'ai quelque chose à faire, elle vient. Mmh. Ou sinon, j'ai mes enfants qui viennent. Donc, ils ont de temps libre, je dirais, beaucoup plus, parce qu'avec les études, maintenant, ils ont beaucoup de temps libre. Mais on est obligé, en fin de compte, de travailler pour leur donner un avenir meilleur que le nôtre, et tout simplement. Comme ils ont fait nos parents, donc c'est à nous de le faire. Après, bon, bah, après, c'est débrouillant. Qu'est-ce que tu admires chez ton père dans le commerçant qu'il est? Par exemple, mon père, c'est sa patience, tu vois, par exemple. Je trouve qu'il est tellement patient. Est-ce que là, par exemple, c'est le relationnel, puisque ton père est quand même très sociable, il connaît tout le monde, voilà. Qu'est-ce que toi, t'admires chez lui? Bah, moi, c'est exactement ça, je trouve, c'est son relationnel. Il sait interagir avec les gens facilement. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le psychologue. Il connaît tout le quartier, il connaît les histoires de tout le monde, il a des amis, il connaît ceux d'avant, il connaîtra ceux d'après. Et pour moi, c'est la seule chose qui me manque, c'est de savoir interagir comme il le fait. Je trouve qu'il le fait parfaitement. Même avec les touristes, vu qu'il y a assez de touristes, même s'il n'a pas un niveau excellent. Quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'il savait très bien parler anglais. C'est pas exactement le cas, mais il donnait l'impression de savoir interagir et de parler avec tout le monde. Hein. Que ce soit un français, un roumain, un portugais, il se débrouille, il n'a pas honte. Même s'il a des lacunes, il s'en fout, il y va et il discute. C'est pas l'épicier, t'es le fils de l'épicier. Ouais, c'est la même chose. C'est la maison Sforza. Comment il va ton père? Ça va, il se repose. Et alors, tu veux quoi, son veuf junior? Je vous apporte la bouteille de gaz. Ça fait 3 jours que je mange froid. Ben maintenant, vous allez manger chaud. Voilà. T'as du Fernet Branca? Quoi? Du Fernet Branca. M'en faudrait une bouteille. Non, on n'en a pas. De l'aspirine, t'as? Ah bah non. C'est pas une pharmacie, c'est une épicerie. Et des timbres, il me faut des timbres. On n'a pas de timbres non plus. Bah alors t'as rien! Samir Rochebi, le cousin de mon père, épicier en banlieue parisienne. Est-ce que tu aurais aimé qu'une de tes filles prenne un commerce? Mais je pense que tu vas me dire non. Mais... Non. Non, mais je crois pas qu'ils vont faire ça. Déjà, il me dit que tu es fou, toi. De faire ça, toi. Ouais. Ils disent que tu es fou? Ah oui, oui. Comment t'as supporté de rester 42 ans là-dedans? Tu leur réponds quoi? Ah oui, demande, Hana, elle va te dire. Je lui demande, elle va me dire, je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais, elle va te dire pourquoi, je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais. Et ouais. Tu leur réponds quoi quand elle te dit ça? Bah, c'est bon, c'est mon travail, j'aime bien mon travail. Hein. Quand quelqu'un qui aime bien son travail, il ne fait pas. C'est sûr. Hein. Ça te passionne. Voilà, c'est un passion, comme tout quoi. Elles t'ont aidé un petit peu, non? Elles ont travaillé un petit peu avec toi? Pas longtemps, une journée, deux, comme ça, des fois, ouais. Ouais. Mais pas tout le temps, pas continuellement. Elles n'ont pas aimé? Non, ils n'aiment pas. Non, ils n'aiment pas. c'était pareil pour moi. Hein, ah là, c'est sûr. Bah parce que c'est différent, la génération. Non, non, non. Non, non, c'est sûr, c'est pas la même génération. Ils travaillent ailleurs. Non, c'est pas la même génération, là, c'est sûr. Hein, ouais. Ils font leur travail aussi. Hein, ouais. Du coup, le magasin, c'est ton neveu qui va le reprendre? Ouais. C'est ça, donc il y a une transmission, ça ouais, veut dire. Ouais, ouais. C'est bien, t'es content? Ouais. Ben, oui, il faut qu'il travaille. Je vais laisser à lui, là, ouais. Tu n'aurais pas voulu le vendre à quelqu'un que tu connais pas ou non, non, mais ça fait 22 ans qu'il est avec moi, alors je préfère lui que quelqu'un d'autre, quoi, vous voyez, ouais. C'est toi qui l'as formé, du coup, parce qu'il lui, il connaissait pas. Ouais, c'est moi qui l'ai formé. Tu l'as formé, il va rester, voilà, toi, tu pourras revenir quand tu veux, c'est ça? Ben oui, voilà, il va suivre tout ça, et, hein, il est obligé de suivre, de toute façon, pour gagner sa vie, tout ça, et, ouais. Pour gagner comme ça, il gagnera un peu d'argent de plus, quoi. Toi, ياسمي توحشتني وريحة الياسمي. C'était Qui est l'arabe du coin, épisode 3, une affaire de famille. Merci à la famille Aït Ali, Jamel Rejbi, Dalila Berbagui, Samir Rojbi, Nader, Abderrazak Ben Mamar dit Ben, Nassim Ben Mamar, Anne-Sophie Bruno et Kamel Tmarzizet. Prise de son, Fabien Gosset, Raymond Albouy, Lucas Derode, Jean-Baptiste Etchebarrebord et Nicolas Depagraf. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archive, Delphine André. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Périne Kervran. Réalisation, Anne de Pelchin. Un documentaire de Noujoud Rejbi. ساكن بر الناس براسي بر بعيد وباقي الحسرة مواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك.